exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Bonjour et bienvenue sur l'émission www.sincerer.com. Vous avez eu la chance là d'entendre Laurent chanter sur La Croisière s'amuse. Tout ça pour la simple et bonne raison que il a même pas fini le générique, rendez-vous compte. Toutes mes excuses, bonjour à tous, salut Fabien. Salut Laurent. Pour commencer, on est le 1er janvier, il est 20h, donc je vous souhaite à tous une très bonne année. Très bonne année, ouais. Un très bon millénaire aussi. Tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur en travail, argent, bonheur, amour et surtout musique, puisque c'est un peu le thème de l'émission. Tout à fait. Aujourd'hui, on va vous présenter 6 groupes qui nous ont envoyé leurs morceaux par internet. 6 groupes qui sont en autoproduction, il faut le dire. Oui, ils se produisent tout seuls. Ils ont fait eux-mêmes leurs CD et leur propre musique. Vous avez sûrement eu l'occasion de les découvrir sur le site www.sinsever.com. Et là, on a l'intention de vous en faire découvrir un peu plus en radio, sous la forme radio. Toujours sur le site www.sinsever.com. Tout à fait, on commence par le groupe Biocide avec Brainless. C'est parti! Youhou! Salut, moi c'est Omer. J'écoute l'émission sur sinsever.com. Bow! Yeah. Mauresmo. Moi, j'écoute l'émission sur sinceller.com. Merci Amélie, c'est gentil de participer. Oui, merci beaucoup, on te renverra la balle sur ce coup-là. Ah, elle était facile. Oui, mais elle était préparée en plus. En plus, oui, c'est vrai. Bon, Fabien, si on parlait un petit peu du principe de l'émission. Ouais, on va parler du principe de l'émission. En fait, c'est un principe qui est assez simple, puisqu'on est là pour vous faire découvrir des groupes qui se produisent en autoproduction. On est là pour vous les faire écouter, pour vous les faire apprécier. Et on est aussi là bah, pour vous demander si vous-même, vous faites de la musique, vous avez composé des morceaux. Mais on est là aussi pour vous demander de nous les envoyer, de nous les faire découvrir, parce qu'on aura le plaisir et l'honneur de les diffuser sur www.sinsaver.com sur l'émission. Vous n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Tous les liens sont là pour que vous puissiez prendre contact avec les personnes qui préparent cette émission. Nous, on récupère vos musiques, on récupère une petite bio de votre part. Et tout ça est mis en boîte après, enregistré. Et puis, oh, il fallait pas le dire. Tout ça est enregistré et puis diffusé sur le site internet. Voilà, dans certains cas, on pourra même vous proposer une interview pour savoir combien vous êtes, quelles sont vos influences, quel matériel vous utilisez. Sur le site www.synthsaver.com, vous avez beaucoup d'autres informations. D'ailleurs, des informations très très importantes, puisque pendant l'émission, on va pouvoir vous faire gagner une place de cinéma par l'intermédiaire d'un jeu. Et la réponse, évidemment, elle sera sur le site www.synthsaver.com. Elle est même facile à trouver, mais difficile à faire. Ouais. Si je peux vous donner un indice. Bon, c'est vrai que ça vous aide pas beaucoup, mais vous vous débrouillerez avec ça. Tout de suite, on va enchaîner avec Dolls, une chanson qui s'appelle Satellite. C'est aussi un groupe dont on vous fait découvrir un morceau aujourd'hui et dont on reparlera beaucoup plus en avant la prochaine fois, dans les prochaines émissions. Tout de suite, Dolls avec Satellite. Dolls avec Satellite, t'as dit ? Ouais, mais ça n'a pas l'air de vouloir lancer. Il veut pas partir. Il veut pas partir. Je ne sais, crochu je pense en orbite, asservi en satellite, l'électron libre que tu étais, pourvu que jamais ne tombe météorite, qui ne t'affranchisse de mes côtés, pourvu que jamais tu ne tout traverse. Apparemment, il n'y a pas que Amélie Mauresmo. Hein. Ouais, on a toutes les vedettes du petit écran avec nous. Ça, c'était Dolls, donc avec Satellite. On va tout de suite enchaîner. Enchaîner, oui, avec deux groupes, Phil Songbook, avec une chanson qui s'intitule On a beau dire. Et tout de suite après, Syl Marison et In the Bocal pour Cut the Rabbit, pauvre bête. Cut the Rabbit ouais, Cut the Rabbit, ouais. Donc, ça, tout de suite, c'est Phil Songbook, On a beau dire. Et en ce qui concerne le groupe Dolls, dont vous venez d'entendre Satellite, vous pouvez également les retrouver sur leur site internet personnel, dont l'adresse est disponible sur le www.synthsaver.com. Tout de suite, Phil Songbook. Ils ont un site internet aussi, Phil Songbook. Ouais, que j'ai visité hier, qui est pas mal, et franchement, profitez-en, il y a plein de petits trucs sympas dessus. On a beau dire, on a beau faire, jurer ces grands dieux qu'on s'en fout de toute manière. On a beau dire, on a beau faire, rien à faire. On a beau faire, on a beau s'étourdir de romances passagères. On a beau dire, on a beau faire, s'entourer de mystères, s'inonder de lumière, rien à faire. Contre terre. L'émission, c'est votre musique sur www.sinsaver.com. Sinsaver.com. Je réfléchis. Il s'est pris le micro. Et oui, effectivement, c'est l'heure du jeu. Ouais. Du jeu. Désolé, on fait les jingles maison parce que bah j'assure pas tout ce que j'aurais dû assurer niveau post-production. Oh, te jette pas la pierre, t'as déjà assez de bleu comme ça. Oh, elle était facile. Merci Fabien, c'est de l'humour à la Fabien celle-là. Alors, explique-nous le jeu, Fabien. Bah, c'est facile le jeu. Hein. On va vous poser une question très très très simple et vous allez pouvoir trouver la réponse sur le site internet www.synthsaver.com. Et la question, bah, c'est Laurent qui va vous la poser parce que c'est une question assez technique. Et pour y répondre, bah, vous aurez que vos petits yeux. Donc, bon courage, passez de bonnes nuits blanches à essayer de trouver la réponse. Vous aurez vos petits yeux pour essayer d'y répondre et surtout votre cerveau pour essayer de trouver la réponse. C'est tout ce que je peux vous signaler. Alors, la question, c'est sur le site internet, il existe et on parle d'une console de mixage son. C'est la console Behringer Rodesk MX3282A. Je l'ai devant les yeux. À tes souhaits. Merci. Et il y a un certain nombre de potards, de potentiomètres. La question, c'est, je voudrais savoir combien y a-t-il de potentiomètres. Je parle bien de potentiomètres et non pas de faders. À vous de jouer. On enchaîne tout de suite avec Vincent Co. Vincent Co, qui est un groupe qui commence à bien monter pour la simple et bonne raison que vous pouvez les entendre sur les ondes des plus grandes radios nationales actuelles. Comme quoi l'autoproduction, ça réussit à certains. Ils ont un site internet, vous pourrez retrouver toutes leurs coordonnées sur www.synthsaver.fr. .com. .com, ouais, pardon, www.synthsaver.com. Alors il faut également savoir que le groupe Vincent Co sera en concert au début du mois de janvier à Grenoble. Et poupée pour toi, je balise. Fais gaffe au contrôle en douane. Y'a mon cœur dans tes valises. En iguane. Tu sais, j'ai serré si j'osais une métamorphose. Bousculer le cours des choses et te garder. Ok, la descend le retour. Comme toujours, bébé, je ferai le détour par amour, par amour. Traîner de couloir en couloir, l'avion manœuvre au bout de la piste. Trouver les bars pour mieux savoir qu'elle existe. Ok, aller sans le retour, comme toujours. Bébé, je ferai le détour par amour, par amour. Dernier passage sur la passerelle. American Airlines. Et que faire de mes envies d'elle? Emma, Emmanuel. Emmanuel. on ne vous a pas dit ce que vous allez pouvoir gagner en participant au jeu www.sinsaver.com. C'est Laurent, dis-nous tout. Une place de cinéma valable partout en France. Voilà, qui va vous permettre d'aller voir le film de votre choix. Alors, sur cette émission, on vous a permis de découvrir des groupes qui s'autoproduisent. Aujourd'hui, c'était les groupes Biocide, Dolls, Phil Songbook, Sin Marison et In The Bocal et Vincent & Co. Mais il faut savoir que nous sommes ouverts à toute proposition musicale, évidemment, puisque nous attendons avec impatience tous vos enregistrements. Et votre musique, si vous voulez vous faire connaître ou participer à l'émission. Voilà, on vous promet de diffuser tous les morceaux qui seront évidemment d'une qualité qui permette de les diffuser sur notre site internet www.sinsaver.com. Alors Sinsaver, il faut savoir aussi que c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. C'est un groupe de musiciens de la région parisienne qui joue depuis, on va dire, 6-7 ans, dont le groupe a pas mal évolué, mais qui pour l'instant se prennent 10 mois sabbatiques tout bêtement parce que le batteur joue du tambourin à l'armée. Voilà, il s'est fait embarquer pour 10 mois. Donc on va écouter tout de suite un morceau justement de ce groupe, un morceau qui s'intitule You. Nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission sans doute au début du mois de février, donc le 1er février. N'hésitez pas à nous envoyer vos cassettes ou vos MP3 ou tout ce que vous avez de musical si vous voulez vous faire connaître. Voilà. Sur ce, bah nous on vous laisse, on vous souhaite encore une bonne et excellente année. Voilà, avec plein de bonheur, plein de machins, plein de trucs, plein de nouveaux instruments si vous voulez. Hein. Avec tout ce que vous voulez. Et on vous dit ciao ciao. À la prochaine fois, tout de suite Sinsaver avec You. Thank you. just believe in me. www.sinsaver.com. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. C'est votre musique.